Si vous venez des questions entre-temps, là, vous seriez gentil de me les faire parvenir, là, par le côté. Alors, une première question ici, Raphaël. L'homme nouveau doit-il croire? Puisque sa croyance doit évoluer avec ses concepts, faut-il croire toujours plus loin? Ça dépend ce qu'on entend par le mot croyance. Si on entend par le mot croyance ce qu'on a défini tout à l'heure comme étant l'unité créative du monde de l'esprit, c'est sûr que les gens doivent croire. Et si on entend par compréhension le mécanisme de ralentissement de l'évolution, comme il a été décrit un peu dans la première partie, c'est sûr que les gens doivent en arriver à un refus catégorique de la compréhension. C'est-à-dire à réaliser que lorsqu'on en arrive à cesser de vouloir comprendre, on réalise que tout est compris. Hein? Et que, bon, parce que vouloir comprendre, c'est comme si quelque chose n'était pas compris en nous. C'est comme si on pouvait prendre avec soi quelque chose qui ne l'est pas. Alors que quand on arrive au refus catégorique de la compréhension, on réalise que tout est compris, qu'on a tout en soi, et qu'on est la totalité, en quelque sorte. Donc, en ce sens-là, dans ce sens de la terminologie, on peut dire que l'homme nouveau devra en arriver à élaborer une croyance de plus en plus forte, c'est-à-dire se servir de cette énergie créatrice pour transformer le monde et créer ce monde nouveau. Hein, on nous a dit dans les textes anciens, dans la tradition ancienne, que dans les psaumes notamment, que le Dieu détruirait l'ancien monde et créerait une nouvelle terre et un nouveau ciel, qu'on se souviendrait plus de l'ancienne terre, des nouveaux cieux. C'est tout à fait juste, mais attention, c'est pas un Dieu sur les nuages, ce n'est pas remis entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que l'on va faire soi-même. Et l'homme nouveau, c'est celui qui va se servir d'une croyance nouvelle pour créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. C'est lui qui va constituer cette réalité. Et en ce sens-là, il faut glorifier, il faut bénir et saluer, si vous me permettez les termes, la croyance. Mais une croyance qui soit de l'esprit. Et non pas une croyance qui soit ces espèces de d'atavisme, de mauvaise manipulation et utilisation des énergies qui s'est fait jusqu'à maintenant à l'intérieur de systèmes qui étaient des systèmes fermés. Il faut avoir une croyance ouverte. Il faut avoir une croyance dans laquelle on puisse croître. Sans quoi, évidemment, la croyance est la pire des calamités qui puissent advenir à l'homme. Mais c'est une question de terminologie. Bon, durant la pause, j'ai discuté avec des gens autour de ça un peu. En fait, j'ai pas discuté, j'ai plutôt écouté, c'est toujours ça que je fais d'ailleurs. Et on se rend compte que c'est une question de terminologie. C'est très important de développer une bonne saisie, une bonne appréhension, je veux pas dire une bonne compréhension, une bonne saisie des mots. Et qu'est-ce que les mots veulent dire? Parce que si aujourd'hui, il y a une dissension à l'intérieur de l'humanité, qu'il n'y a pas cette belle fraternité que l'on veut, soit d'une manière spirituelle ou d'une manière supramentale, eh bien, c'est parce que il y a une confusion des langues. Et la confusion des langues, ce n'est pas seulement cette fameuse confusion des langues où quelqu'un s'en retourne japonais, l'autre chinois, l'autre parlant espagnol, etc. C'est la confusion de l'opacité du langage. C'est cette idée que j'ai développée tout à l'heure, à savoir que le langage ne transmet pas d'une façon efficace la connaissance, parce que il s'est greffé autour des mots, qui sont des véhicules d'énergie dans leur utilité première, il s'est greffé toutes sortes de parasites, que sont des émotions, que sont des pensées, que sont des systèmes d'analyse et de compréhension, qui fait que lorsque l'on dit un mot, on ne le situe pas à la bonne place. Alors moi, je peux parler de spiritualité, je peux parler de croyance, je peux parler de compréhension et mettre derrière les mots une réalité qui est tout à fait différente et même contradictoire avec celle que d'autres personnes vont mettre derrière ces mots. Et le problème, c'est que les gens écoutent ça et ils veulent comprendre. Alors, voulant comprendre, ils accordent un système de référence aux mots. Accordant un système de référence aux mots, ils ne savent pas, eux, à moins qu'ils soient des initiés, alors là, ils veulent plus comprendre, ils ne savent pas qu'est-ce que j'ai mis comme système de référence, moi, lorsque j'ai dit les mots. Alors, ça devient une tour de Babel terrible. Et c'est pourquoi il faut faire très, très attention et laisser quand même la fluidité des choses. C'est-à-dire ne pas avoir un choc lorsqu'on entend un mot. Il y a des gens qui sont choqués lorsqu'ils entendent un mot. On leur dit un mot, et à cause de leur système de référence, à cause de leurs émotions et de leurs pensées qui sont limitées dans leur personnalité, on peut pas, on fait ce qu'on peut, eh bien, ces mots éveillent en eux une agressivité ou éveillent en eux un sentiment de dédain ou un sentiment de répulsion. C'est ça qui est dangereux. Dans tout discours, c'est ça qui est dangereux. C'est de se laisser illusionner par la partie opaque du mot. Parce que lorsque vous vous laissez illusionner par la partie opaque du mot, vous n'êtes plus réceptif, vous n'êtes plus en communion, hein, encore un mot, en communion avec la partie translucide du mot, qui, elle, vous achemine l'énergie qui a voulu être se manifester dans la parole qui a été donnée, dans le langage qui a été donné. Est-ce qu'on ne devrait pas en arriver un jour à avoir quasiment un lexique de chacun des conférenciers? Ça ne serait pas nécessairement la solution, parce que un conférencier peut très bien, dans une circonstance particulière, mettre derrière un mot une signification qui est autre. Bon, je donne des conférences parfois où je parle de l'ego. Hein, où je parle de, lorsque je suis dans un centre rosicrucien, que je parle de l'ego, je parle de l'esprit. Lorsque je suis dans un domaine plus psychologique et plus scientifique, bon, je suis allé donner une conférence au centre d'études psy. Ah ben, lorsque je parle de l'ego, je parle de l'ego des psychologues. Je parle pas de l'ego de Max Sandel du début du siècle. Alors même dans un seul individu, il peut y avoir utilisation de mots qui ne veulent pas dire, qui n'ont pas porteur de même sens. Lorsque je parle du Christ dans un centre rosicrucien, lorsque je parle du Christ dans une tribune plus vaste de public, je ne mets pas la même signification derrière. Lorsque je dis le mot Christ devant un groupe de rosicruciens, ou lorsque je dis le mot Christ devant un groupe d'athées, c'est pas la même réalité que je signifie. Parce que le groupe athée a besoin d'un certain système de référence autour du Christ pour pas qu'il soit trop affecté dans ses croyances. Et le rosicrucien a besoin d'un système de référence autour du mot Christ pour pas trop être affecté dans ses croyances et pour pouvoir avancer, pour pouvoir être d'une certaine manière stabilisé. Bon. Alors, derrière chaque mot, ça dépend de la personne qui le reçoit. Alors, autrement dit, il y a une seule possibilité de faire un lexique, c'est que chacun le fasse. Et chacun voit, en étant le plus réceptif possible, qu'est-ce qu'un mot qui est dit par un conférencier va signifier chez lui et chez elle. Et cette personne va à ce moment-là intérioriser la réalité du langage qu'elle reçoit. Mais si, encore une fois, on veut donner une définition très, très fragmentaire, eh bien là, on finit par avoir un langage qui ne peut plus communiquer aucune vibration. Parce que lorsque vous dites un mot, on prend le lexique, c'est comme les rêves. Hein? On prend le lexique et on dit, voilà, ce mot veut dire ceci. Ah, un mot peut avoir 1000 significations de par l'intonation dans laquelle il a été dit, de par la place qu'il occupe dans la phrase ou dans une conférence ou dans une société quelconque. Alors, si on lui donne une définition toute fermée, eh bien, on fait un peu le même système que le petit catéchisme. Vous savez que je suis largement en faveur du petit catéchisme, il y a des discussions presque légendaires, mais il y a un aspect négatif qui est l'enfermement dans une définition. Ça appartient à l'air du poisson. L'enfermement dans une définition, c'est de l'air du poisson. Autrement dit, dans l'air du verso, il n'y aura plus de dictionnaire. Dans l'air du verso, il ne peut plus avoir de dictionnaire parce que le mot a 1000 significations. Le mot n'a plus même de signification. Il est simplement vecteur d'une énergie. Bon. C'est pourquoi, à ce niveau-là, il faut en revenir, comme je le disais tout à l'heure, à cette fluidité du langage. Laisser le mot passer, laisser l'énergie passer. Dans l'optique où notre vérité est toujours partielle, comment chercher à agrandir son point de vue vers celui d'une universalité sans se perdre dans une recherche sans fin? Doit-on rechercher la vérité ou la prendre au passage? Est-ce que rechercher la vérité n'est pas d'abord limiter la vérité? Bon, cette question-là a beaucoup de facettes. D'abord, la vérité que l'on a, elle n'est jamais partielle. La vérité que l'on a, c'est l'universel. Sauf que la façon dont on la conscientise, elle apporte la partialité. C'est-à-dire que une vérité comme telle, bon, Dieu existe, hein? Bon, c'est pas partiel, ça. C'est total, c'est universel. Tout le monde peut s'en servir. C'est la façon dont on va conscientiser ce Dieu existe qui est partiel, parce que nous sommes partiels. Bon. Alors, toute recherche de la vérité est une recherche de l'universalité. Cependant, les étapes qui nous y conduisent, ce sont des étapes partielles de par la partialité de l'homme. Et ça, on ne peut évidemment pas s'en sortir autrement que par un travail énergétique où l'on fait attention à ce que dont on a parlé ce soir et qu'on essaie de laisser la plus vaste pénétration, le plus grand nombre de définitions possibles jaillir de ce que l'on a entendu. Les anciens disaient, il y a 7 niveaux d'interprétation de la vérité. 7 niveaux d'interprétation de la vérité, ça n'était pas limitatif. Hein, vous savez que le nombre n'était pas quantitatif, là, il était qualitatif. C'est-à-dire qu'il y a des plans d'énergie dans l'univers. Et dans ces plans d'énergie, eh bien, on perçoit, selon qu'on est branché sur un plan ou sur un autre, la même vérité sous un angle tout à fait différent. Mais la vérité, elle est universelle. En tant que concept, la vérité ne peut pas être autre chose qu'universelle. Elle se fragmente lorsque l'homme, qui n'est pas universel, entre en contact avec elle. Maintenant, celui qui recherche la vérité, c'est une chose que ça démontre, c'est qu'il ne l'a pas. Lorsque on recherche quelque chose, c'est qu'on ne l'a pas. Bon. Alors, une personne qui n'a pas la vérité, elle n'a pas le choix. Elle la recherche. Elle la recherche jusqu'à ce qu'elle l'ait. Et lorsqu'elle l'ait, bon, la recherche, elle s'élimine. Mais si une personne qui a la vérité, hein, et d'ailleurs, avoir la vérité, c'est une expression inexacte, il faudrait dire si une personne est la vérité. Parce que avoir la vérité, c'est la comprendre. Prendre avec soi, c'est à soi. Alors que être la vérité, c'est être en communion avec elle, c'est connaître, c'est naître avec cette vérité. Donc, être la vérité, celui qui est la vérité, hein, il ne peut pas, parce que lui, il l'est, imposer à tout le monde qu'il l'aille aussi. Et c'est pourquoi celui qui a la vérité dit aux gens, cherchez et vous trouverez. C'est-à-dire que on peut un peu se moquer, comme je l'ai fait tout à l'heure, de la recherche scientifique en disant que qu'en fait c'est un jeu, mais c'est un jeu nécessaire. Il faut, au-delà de toutes ces moqueries, quand même prendre d'une certaine manière au sérieux ce processus, parce que la recherche, elle est absolument nécessaire pour le mouvement. La recherche est un mouvement de la conscience vers quelque chose de transcendant, vers quelque chose de plus loin. Et c'est un mouvement nécessaire, essentiel, à l'intérieur du développement de l'homme nouveau. Maintenant, ça dépend comment cette recherche-là est faite. Et ça dépend de comment on va considérer les résultats qu'on va avoir de notre recherche. Si on va prendre les conclusions de nos recherches pour, encore une fois, des choses établies pour toute l'éternité, ou bien si on va les prendre comme des marches, comme des échelons vers quelque chose qui transcende toujours, qui dépasse toujours. Alors le mécanisme de la recherche n'est pas à rejeter, mais il faut le comprendre dans un mouvement qui tend vers quelque chose, mais pas vers quelque chose qui est éloigné, ni dans l'espace ni dans le temps, hein, mais vers qui tend vers une réalisation de soi-même, finalement. Parce que dans la recherche, on n'est pas à la quête. Ceux qui faisaient la quête du Graal et qui la font toujours, ils sont pas à la quête de quelque chose, d'un vase qui est à quelque part dans une caverne. Ils sont à la quête de leur propre savoir qui s'exprime. Alors, dans la recherche, il s'agit toujours de savoir, de bien situer notre processus de recherche. Et bien comprendre qu'en fait, ce que l'on recherche, c'est rien d'autre que ce que l'on est. Hein? Mais ça prend évidemment une forme extérieure pour toutes des raisons psychologiques, pour les raisons de notre constitution, du fait qu'on est développé d'une certaine manière où il y a cette fameuse dualité, encore pour un certain temps, qui est le résultat du fait que notre intellect a été construit par des puissances de la domination, par des forces retardataires, et que ces forces retardataires, on appelle parfois les puissances des ténèbres, ce sont des forces qui ont constitué notre mental et l'ont constitué d'une manière justement à ce qu'il fonctionne de manière fragmentaire. Bon, c'était nécessaire, sinon on n'aurait pas vécu l'expérience du mental inférieur. Maintenant, on doit passer à une expérience nouvelle, qui est l'expérience du mental supérieur, du supramental, à l'intérieur de cette structuration même de notre personnalité. C'est ça qu'on est en train de vivre à une échelle individuelle et même dans une certaine mesure à une échelle collective. Tu as parlé tout à l'heure de la connaissance amour, en aller vers cette connaissance amour. Peux-tu nous expliquer à quoi tu fais allusion? Est-ce que ça a un rapport avec le supramental d'abord? Est-ce que c'est le supramental? La connaissance amour est en rapport direct avec ce qu'on appelle le supramental. Maintenant, il y a deux dimensions à l'intérieur de ça. Il y a une dimension directe et il y a une dimension intermédiaire, qui est la dimension de l'âme, qui est la dimension religieuse. L'homme religieux a un contact supramental au niveau du cœur. l'homme esprit, l'homme, voyez, l'homme esprit a un contact au niveau du cerveau. C'est toute la différence. Lorsque l'on parle de sagesse, lorsqu'on parle de l'amour sagesse, on parle d'une façon beaucoup plus précise de cette dimensionnalité du cœur. Alors on dit, par exemple, de certains grands personnages qui le méditaient dans leur cœur, Marie, par exemple. Bon. C'est-à-dire que c'est une appréhension du supramental, de la conscience christique à l'intérieur du cœur. Bon. Ça, c'est pour un homme qui dont le travail est au niveau religieux, c'est-à-dire entre les hanches et les épaules. Bon. C'est-à-dire qu'il est à ce niveau-là de son développement tout court. Alors que l'homme esprit ne passe pas au niveau du cœur, mais a une pénétration directe du supramental au niveau du cerveau, parce que son cerveau a été transmuté. Bon, évidemment, il est passé par l'étape où le supramental est entré par le cœur et tranquillement a gagné du terrain sur le cerveau et a transmuté le cerveau de telle sorte qu'il est maintenant capable et en mesure de capter de manière directe. Mais c'est très différent de l'amour-sagesse. La sagesse, c'est cette recherche ancienne de l'illumination. Hein? C'est la philosophie, amour de la sagesse. C'est ce que veut dire philosophie. Alors, c'est cette recherche d'une sagesse au niveau cardiaque. Alors, vous savez que les grands initiés demandaient la sagesse et l'intelligence. L'intelligence, c'est au niveau du cerveau. Plus spécifiquement, à l'intérieur de ces définitions, bien que l'intelligence, c'est autre chose, et la sagesse, c'est au niveau du cœur. Donc, lorsqu'on parle d'un amour-sagesse, lorsqu'on parle d'un travail au niveau de la sagesse, du développement de la sagesse de l'homme, c'est au niveau du cœur que ça se passe. Mais c'est la même énergie. Mais l'énergie qui arrive au niveau du cœur et qui s'exprime à partir du cœur est différente de l'énergie qui arrive au niveau du cerveau et qui s'exprime au niveau du cerveau. Alors, on voit une personne qui est au niveau supramental, au niveau de l'intelligence, au niveau de l'esprit. Et on la regarde agir, on la regarde fonctionner, on regarde les fruits de son travail et on se dit, c'est ceci. Ensuite, vous voyez à côté le mystique très avancé, le religieux très avancé. On regarde son comportement, on regarde la façon dont il fonctionne et on dit ceci. Et on regarde le religieux à gauche, l'homme esprit à droite et on se dit, ils ne vivent pas la même expérience. Ça, c'est une illusion. C'est une illusion, c'est-à-dire qu'ils vivent exactement la même expérience de la pénétration supramentale, sauf qu'elle s'exprime différemment. On ne peut pas être tous docteurs, prophètes, etc., etc. Bon, il faut, il y en a qui sont docteurs, il y en a qui sont prophètes, il y en a qui sont à tous les niveaux de la manifestation de l'énergie, mais c'est toujours la même énergie. Alors, on a l'illusion, de par le fait qu'en apparence c'est différent, que ces deux hommes font et ils vivent une expérience qui est différente. Alors que c'est la même expérience, il n'y en a qu'une seule expérience. C'est la pénétration de ces des énergies créatives en l'homme pour le rendre créateur. Regardez ce que la tradition a dit. L'homme doit devenir un Dieu créateur. Eh bien, l'homme nouveau, c'est ça. Mais qu'est-ce que la dimension créative? C'est la dimension supramentale. Donc, l'homme doit devenir un faisceau, un canal de pénétration du supramental. Mais il peut le devenir ou bien par le cœur, ou bien par l'intellect, plutôt par le mental, pardon, pas par l'intellect, et plutôt également par le cerveau. Et un jour, l'homme cardiaque, l'homme religieux, et l'homme esprit, l'homme cérébral, vont s'unir. Et vont former, et vont réaliser en fait qu'ils n'étaient qu'un. C'est-à-dire qu'ils n'étaient que deux facettes de la même réalité, qui a pénétration supramentale. Alors en ce sens-là, sagesse et intelligence, c'est très lié. Et en un sens, c'est la même chose. C'est la même énergie, mais elle s'exprime à travers un véhicule, un canal qui est différent. Une personne comme Sri Aurobindo, elle appartiendrait à quelle catégorie? Sri Aurobindo, c'est un hermaphrodite. C'est un androgyne dans le sens où il avait les deux dimensions. Sri Aurobindo, c'était ce qu'on appelle un adepte. C'est-à-dire qu'il était en mesure, et il a vécu pleinement, d'être un religieux dans le sens ésotérique, occulte, vibratoire et cosmique du terme, et il était également un être intelligent. C'est-à-dire un être par lequel la pénétration supramentale arrivait au niveau du cerveau. Et ça, on le voit dans ses écrits, on le voit dans les fruits de ce qui a été donné. Parce qu'il y a deux courants. Qui sont issus de Sri Aurobindo. Il y a le courant religieux, il y a le courant, disons mental. J'aime pas du qualifier comme ça du tout, mais disons mental. Parce que, bon, enfin. Alors, c'est deux courants qui sont nés de sa tendance parce que lui avait été capable de vivre l'intégralité de cette énergie. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de vivre l'intégralité de cette énergie. Ce n'est pas à la portée de tous, parce que lorsque l'un s'exprime d'une façon, disons, pleine, eh bien, l'autre est comme mis de côté. Parce que c'est sur un plan historique que ça se passe. L'intérieur de l'homme, ça commence toujours par le cœur. Et puis, ça passe ensuite au cerveau. Bon, ça, c'est le déroulement historique normal de la pénétration supramentale. Alors, lorsque c'est au niveau du cœur, lorsque ça s'exprime pleinement au niveau du cœur, ben, l'homme est complètement cardiaque. C'est-à-dire qu'il s'exprime pleinement dans une certaine dimension. Lorsque ça passe au cerveau, c'est-à-dire qu'il y a une transition du siège du supramental, du cœur au cerveau. Et alors là, c'est cérébral que c'est d'une manière cérébrale que ça se manifeste. Alors c'est pourquoi il est difficile d'équilibrer les deux. Alors, c'est-à-dire, la seule moyen d'équilibrer les deux, c'est de cesser de voir la dualité. C'est cesser de parler comme je parle maintenant, c'est-à-dire d'une manière historique. Bon, alors Sri Aurobindo a dépassé l'historicité, parce que lorsque on arrive à la fin de ce mécanisme de pénétration au niveau psychologique, au niveau de la personnalité de ce supramental, eh bien on arrive dans ce que j'appellerais, ou qu'on a déjà appelé, les dimanches de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. Il n'y a plus d'histoire après cela. Il n'y a plus d'histoire parce que l'histoire, c'est un déroulement de causalité. Alors, l'homme qui arrive au summum de cette expérience-là, il n'y a plus d'histoire pour lui. Alors, il n'y a plus une situation spatiale au niveau du cœur, au niveau du cerveau. Il y a pleine pénétration de la chose. Alors que avant, il y a ou bien le cœur, ou bien le cerveau. Et c'est en ce sens-là que Sri Aurobindo était un homme qui a incarné cela d'une manière intégrale, pour s'échapper d'histoire. Il y a quelques hommes dans l'histoire qui l'ont vécu. Hegel est un exemple. Et lorsqu'ils ont vécu cela, eh bien, il ne reste qu'une seule chose à faire, c'est jouer aux cartes. C'est ce que Hegel a fait pour terminer sa vie. Parce que, consummatum est, hein, tout est accompli. C'est-à-dire que cette pénétration supramentale ou christique est pleinement imprégnée, totale en soi. Et alors là, il n'y a plus d'histoire possible. Il n'y a plus d'avant, d'après, de maintenant. Est-ce qu'il y a encore un karma? Il n'y a plus de karma. Le karma, d'ailleurs, c'est une invention des occultistes, le karma. Bon, c'est vrai, mais c'est aussi regardez ce que la compréhension fait à l'intérieur d'un système ésotérique, d'une école ésotérique. Il y a des gens qui enseignent la réincarnation du karma. Hein? Ils n'ont rien saisi de ce qu'était la réincarnation du karma. Un jour, il va falloir faire une mise au point. D'ailleurs, je vais le faire bientôt à Sherbrooke. Qu'est-ce que c'est que la réincarnation? Qu'est-ce que c'est que le karma? Et on se rend compte que ceux qui enseignent la réincarnation et le karma ont pas plus raison et sont autant dans l'erreur et dans les mauvaises interprétations que ceux qui enseignent le contraire. Les tenants de la non-réincarnation et du non-karma. Alors, le karma, attention, le karma, ça fait partie d'une certaine étape dans le développement de l'homme, mais éventuellement, il est levé, le karma. Hein? S'il y a une expérience supramentale ou christique sur la Terre aujourd'hui, c'est pour lever le karma. Et si, dans la tradition de l'homme religieux au niveau supramental, le premier pouvoir et le pouvoir le plus fondamental qui a été remis à ces gens, c'est le pouvoir de relever le karma, de remettre les péchés, eh bien, dans l'homme-esprit, c'est la même chose. Le même mécanisme qui se passe, regardez bien ça, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu incarnation du supramental à l'intérieur de l'homme religieux au moment de l'incarnation de la conscience christique sur le Golgotha. Alors là, le Christ a transmis à ses disciples le pouvoir d'enlever les péchés, de remettre les péchés. Ceux à qui vous les remettrez seront remis, ceux à qui vous les retiendrez ils seront retenus. Donc, un pouvoir d'éliminer le karma, de façon à ce que ce débordement du cœur puisse, cette énergie supramentale puisse dissoudre l'historicité de l'homme, c'est-à-dire son karma ancien. Bon. Ça a été vécu déjà au niveau de l'homme religieux sur le plan supramental. Maintenant, ça doit être vécu. Ce n'est pas encore pleinement vécu au niveau du cerveau. Alors, dans le cerveau, il y a cette même absolution qui doit arriver. Cette absolue solution. En arriver à l'absolu. Et l'homme qui commence à vivre une expérience supramentale au niveau du cerveau n'a pas encore, parce que c'est une question d'histoire, n'est pas encore arrivé à une aussi pleine réalisation de cette absolution que celui qui est au niveau du supramental religieux. C'est-à-dire que il a encore besoin de certains concepts de causalité, il a encore besoin d'une certaine référence, de conséquences, etc., qui va éventuellement être absous. va éventuellement disparaître dans l'universalité. Mais pour le moment, ce n'est pas encore pleinement vécu. Alors, ce sont des choses intéressantes, si bien que si vous me parlez de karma, si vous me parlez de réincarnation, ben ce sont des choses qui doivent être situées à l'intérieur de ça. On ne peut plus se permettre, et c'est là que les écoles ésotériques font une erreur, on ne peut plus se permettre, comme on le fait très souvent, d'enseigner la réincarnation et le karma sans tenir compte de cette nouvelle dimensionnalité qui est celle du supramental. Hein? Et ce n'est pas si nouveau que ça. En un sens, les écoles ésotériques qui enseignent le karma sont antérieures au christianisme. Ils sont antérieurs à ce pouvoir qui avait été remis de relever le karma. Alors vous voyez que si on pousse les choses à fond, on se rend compte que, je ne dis pas que le karma n'existe pas encore, parce qu'il existe encore pour la plupart des gens, mais ce que je dis, c'est que ce karma est quand même un concept retardataire, ancien, s'il n'est pas nuancé par cette effusion supramentale qui existe maintenant. Alors c'est très très délicat de dire « j'ai compris ». De dire « voilà, je peux répondre à toutes les questions avec la sauce karma, avec la réincarnation, puis ça comble les vides. » Parce que on peut être des plus parfaits retardataires, les gens qui retournent à des systèmes dépassés d'une façon parfaite. Et c'est pourquoi il faudra nuancer à l'avenir, parce que on voit trop d'ésotéristes assis sur leur chaire et qui enseignent, donnent une conférence sur le karma, sur la réincarnation, sans apporter cette nuance. Ils sont alors des éléments de retard dans le développement de l'humanité. C'est très sérieux ça, parce que ils présentent un enseignement qui se veut nouveau. Il présente un enseignement qui se veut initiatique pour préparer les gens à quelque chose de neuf, et en fait, il les ramène à la vieille loi du talion qui existait bien avant les transformations supramentales que la planète a vécues et qu'elle est en train toujours de vivre. Alors, c'est très, très, très subtil. Et en ce sens-là, le petit prêtre que vous n'aimez pas, ou le petit pape qui a son patelin religieux et qui remet le karma aux gens, est beaucoup plus avancé que celui qui dit aux gens, ben voilà, c'est malheureux, vous êtes malade, c'est malheureux, vous mourrez de faim, mais c'est votre karma. Bon, ça nous permet de nous situer par rapport à Aurobindo dans l'aventure supramentale, et un homme comme Jiddu Krishnamurti, comment le situez-vous? Krishnamurti, c'est un homme qui n'a pas vécu le supramental au niveau du cerveau. C'est un homme qui a vécu le supramental au niveau du cœur et qui a vécu ce que l'on connaît, c'est-à-dire un rejet du drapeau. On lui a construit un drapeau parce que les gens qui reçoivent une énergie spéciale, qui sont imprégnés à un moment donné dans leur existence ou qui sont prédestinés à être imprégnés, j'aimerais mieux ce terme-là, d'une certaine énergie qu'ils peuvent ensuite l'irradier, eh bien, on aime les mettre en système de référence. Or, Krishnamurti, ça a été un homme qui a été découvert par des gens très avancés, qui étaient des théosophes, et qui a été introduit à l'intérieur d'un système où l'on voulait justement construire ce fameux système de référence, un barrage. Et Krishnamurti a refusé de servir de barrage. En un certain sens, Krishnamurti a échoué dans le travail qu'il avait réalisé. Et dans un autre sens, il a réussi. C'est-à-dire qu'il a échoué au niveau de la structuration d'un système. Krishnamurti avait comme origine, comme fonction de base, de générer un système qui aurait permis à des gens, à l'intérieur d'une structure graduée, d'arriver à une expérience de pénétration sur un plan religieux du supramental. Mais comme Krishnamurti était sur le bord de la transition entre une pénétration supramentale religieuse et une pénétration supramentale au niveau du cerveau, eh bien, il a refusé, en quelque sorte, de se sacrifier pour l'avancement d'un certain groupe d'individus, et il a voulu poursuivre vers le supramental du cerveau. Et comme il a rejeté la voie de service, peut-être c'est pas une explication auquel vous êtes habitué d'être confronté, comme il a rejeté la voie de service, qui était la voie de sacrifice. Qu'est-ce que c'est que le sacrifice? C'est la réduction volontaire du taux vibratoire d'un individu. Parce que on est tous dans une certaine forme de quête d'élévation du taux vibratoire. Mais il y a des gens sur la planète qui sont mandatés pour rester à un certain niveau, même si eux auraient une possibilité d'élever leur taux vibratoire, pour permettre à un groupe qui est à ce niveau-là de se nourrir de lui-même. En refusant ce sacrifice que lui avait proposé la hiérarchie, parce que la hiérarchie impose jamais, eh bien, il a voulu poursuivre au niveau de la transformation cérébrale supramentale. Et c'est ce qui explique ces discours par la suite, qui ont été des discours d'apprenti supramental au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'il a commencé à exprimer la voix supramentale au niveau du cerveau, mais en étant toujours en ayant toujours un discours très très imprégné par le supramental cardiaque, très très très imprégné par le supramental de cette première étape dans la pénétration. C'est curieux parce que moi je vois l'inverse. Je vois Aurobindo dans cette description-là, alors que je vois Krishnamurti plus dans le supramental au niveau du cerveau. Je vois tout à fait l'inverse. Mais c'est ce qu'il a voulu faire. À la lecture de leurs ouvrages respectifs, là, il m'apparaît pour moi que les passages de les citations d'Aurobindo sont plus empreints de philosophie ou de poésie, donc du cœur, par rapport à Krishnamurti qui est beaucoup plus psychologue, il me semble. Ça, ce sont des apparences. Krishnamurti a voulu avoir une expression de l'esprit, une expression cérébrale, et éliminer, parce qu'il a fait ce rejet, éliminer l'aspect cardiaque. Alors, il l'a apparemment éliminé dans son discours. Alors, on peut très bien être une personne cardiaque et avoir un très rationaliste, très très froid, très très très très cérébral, parce que c'est ce qu'on désire. Ça, c'est très facile de donner une apparence à son travail. Mais sur un plan vibratoire, sur un plan énergétique, c'est très souvent d'ailleurs le contraire qui se manifeste. Parce que on n'est jamais satisfait de soi-même. On veut toujours avoir ce que l'on n'a pas. On veut toujours être ce que l'on n'est pas. Hein? C'est le principe de la dualité. Alors, on projette nécessairement de soi des images qui sont tout à fait différent de ce que l'on est en réalité. Très souvent, c'est cette quête de ce que l'on n'est pas qui prend le dessus et qui prend l'apparence la plus probante sur le plan extérieur, alors qu'intérieurement, on est tout le contraire. Hein? C'est-à-dire qu'on est toute cette tendance vers l'autre dimension. Alors on se rebelle face à cette dimension. Alors on se rebelle contre l'aspect cardiaque. Alors parce qu'on est cardiaque et on n'aime pas ça. On veut passer une nouvelle étape. Mais ce sont des gens tourmentés. Sri Aurobindo, Krishnamurti et d'autres que je veux surtout pas nommer, Hegel et tous ces hommes qui ont eu un face-à-face plus ou moins intime avec ces énergies, sont des gens tourmentés. Ce ne sont pas des gens qui ont atteint la paix la plus profonde. Ce sont des gens qui étaient en cheminement. Il n'y a pas un seul homme sur la Terre, à l'exception du Nazaréen, qui a incarné la conscience supramentale de façon parfaite, c'est-à-dire de manière à être un lien total, complet et intégral entre le macrocosme et le microcosme, entre le plan minéral et le plan plan qui arrive tout juste à la limite du septième plan pour entrer dans le sixième plan. Alors ces gens, ils sont en expérimentation. Alors il ne faut pas penser que ce qu'ils expriment, ce qu'ils ont fait, les fruits de leur travail, sont des choses qui ont atteint une perfection dans le temps. Ça atteint une perfection pour eux, dans leur temps, dans leur lieu de manifestation. Mais même s'ils ont en quelque sorte vécu une espèce de fin de l'histoire, qu'ils ont vraiment vécu des moments très profonds de cette unité complète, en d'autres périodes, il y a eu des ajustements qui ont dû être faits. Un homme qui est totalement supramental, ça n'existe pas. Ce sont des pionniers dans cette expérience-là. Dans l'avenir, dans les futurs systèmes d'évolution de notre monde, eh bien, il va y avoir des gens qui vont être complètement imprégnés de ça. Maintenant, il y en a pas. Ils sont imprégnés à des niveaux très élevés parfois. Et pour celui qui est en bas, hein, eh bien, c'est la perfection, c'est le sublime, c'est la divinité qui s'exprime. Mais pour celui qui est en haut, ce n'est qu'une faible lueur de ce qui sera véritablement lorsque la pénétration sera complètement accomplie, que l'homme aura même changé de plan, etc. Donc, tant que l'homme a un cerveau, a un cœur, a un corps de chair tel qu'il l'a maintenant, il est limité dans son expression. Il est limité dans son expression et cette limite, elle est sur le plan charnel. L'homme qui n'est plus limité, il disparaît. Il disparaît du monde de la limitation. Et il n'y a plus personne qui peut le percevoir. Si vous voyez quelqu'un, c'est parce qu'il est limité. S'il n'y avait pas de limite, cet homme, vous ne le verriez pas. Vous ne le verriez pas parce qu'il serait la totalité. C'est-à-dire que vous ne verriez que les choses, que la totalité. Mais vous ne le situeriez pas. Tant qu'on est situé, on est limité. Tant qu'on est limité, on n'est pas totalement supramental. Bon, maintenant, est-ce que Aurobindo, lui, a voulu former une structure religieuse, on va dire, qui peut profiter au reste des gens qui s'avancent dans la conscientisation? Lui, si Krishnamurti n'a pas voulu le faire, est-ce qu'Aurobindo a voulu le faire? Sri Aurobindo a... Il semble qu'il a toujours dénoncé ce fait-là, lui. Sri Aurobindo n'a pas voulu créer de système. Bon. C'est autour que ça se constitue, le système. Bon, c'est ça. À sa mort, c'est à ce moment-là que les disciples ont tourné ça en religion. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Sadprem a quitté Auroville. Lorsque... Est-ce qu'il ne va pas arriver la même chose avec Krishnamurti, même s'il pensait que les hommes étaient capables de fonctionner en dehors d'une structure formelle religieuse? Il pensait, lui, que l'homme était prêt à vivre cette étape-là. Mais est-ce que ça ne va pas être récupéré aussi? D'une manière ou d'une autre. Ça va sûrement. C'est pas une question de récupérer quelque chose. Ce qu'on comprend pas, c'est que Sri Aurobindo, Krishnamurti, ils ont parlé. Ils ont communiqué une énergie. Avec leur tension intérieure, avec des refus, des acceptations, c'est pas notre problème. Ils ont transmis une énergie. Bon. Cette énergie-là, on en fait ce que l'on veut. Hein? Alors, on peut faire de cette énergie le terrain propice pour fonder une religion. On peut faire de cette énergie le terrain propice pour faire un système de pensée, ou on peut laisser cette énergie aller. Bon. Mais ça, c'est aussi bon qu'on en fasse une religion, une philosophie, ou qu'on la laisse être. Il ne s'agit pas de dire que c'est mauvais ou bon, c'est récupéré alors que ça devrait pas être ça. Sri Aurobindo, lorsqu'il a parlé, il n'avait pas à vouloir quelque chose. Il avait à parler parce que c'était son rôle de parler. Alors, il a parlé, s'il a voulu des choses, c'est son erreur. Il a parlé, maintenant, c'est les gens qui prennent ce qu'il a laissé, qui font quelque chose. Alors, on peut faire n'importe quoi selon qu'on reçoit, à travers nous, qui sommes imparfaits, une énergie quelconque et que ça éveille en nous quelque chose. Mais ce que ça éveille au niveau de la création, par exemple en moi, lorsque je lis Sri Aurobindo, c'est aussi bon que ce que ça éveille en vous ou en n'importe qui. Or, si moi, en moi, ça éveille qu'il faut que je fonde un système, ben, c'est bon. Il faut que je fonde ce système et il y aura des gens qui iront à ce système parce qu'ils ont besoin de ça et qui un jour réaliseront que ce système ne leur convient plus et ils vont s'en aller. Alors, il faut faire attention de ne pas juger de manière morale ce qui se passe par la suite. Parce que là, sinon, on entre en guerre. C'est-à-dire qu'on dit, ça ne devrait pas avoir une incidence religieuse, ou ça ne devrait pas avoir une incidence philosophique, ou ça ne devrait pas avoir telle et telle répercussion. Qui êtes-vous pour dire que ça ne devrait pas avoir à être ceci et cela? Krishnamurti le dit lui-même, il s'élève contre la religion en étant en faveur de l'homme religieux, mais contre le système, contre la religion, il le dit. C'est un peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que la religion... ne peut pas satisfaire celui qui a dépassé le stade de la religion. Mais de s'élever contre, c'est une illusion. C'est une illusion. Parce que on n'a pas autorité de le faire. Si c'est là, c'est parce que nous l'avons nous-mêmes créé. Mais il parle, lui, en son propre nom. Il ne parle pas au nom des autres. Il parle au nom de sa propre expérience, de sa propre perception. Mais de quoi? Au nom de quoi peut-on parler si ce n'est que de soi? C'est nous qui créons la chose. Alors, si on parle au nom d'une religion, c'est une religion qu'on a créée. Ce serait d'ailleurs curieux de voir combien, lorsqu'une personne parle au nom d'une religion, comment c'est bien sa religion. Hein? Et puis, si vous la confronteriez à des gens de la même religion, ce serait très curieux de les entendre. C'est toujours ce qu'on a créé. Alors, à l'intérieur de ça, lorsque on veut s'opposer contre une manifestation quelconque, la religion, si on veut, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait un rapport d'exclusion. On se dit, moi, je ne suis pas ça. On retourne au vieux état de conscience, conscience de l'objet, conscience du sujet. On est encore dans ce vieux rapport. Alors que autrement, celui qui a une conscience de l'homme nouveau, c'est celui qui va voir les choses aller, qui sait très bien que les religions et toutes les religions qui sont actuellement en fonction vont s'effondrer avec les années qui viennent. Il le sait très bien, ça ne le fatigue pas. Il n'aura pas donné un coup de masse. Il sait très bien que l'histoire fera son chemin et transformera les structures qui ne conviennent plus. Évidemment, il peut parler et il peut dire que aux gens qui sont devant lui, si ce sont des gens qui n'ont pas besoin de telle et telle structure, de ne pas aller à ces structures parce qu'ils vont perdre leur temps, il peut dire ce qu'il veut. Hein? Mais s'il commence à trop prendre ce fameux rapport d'extériorité, vouloir se distancier ou se différencier de quelque chose, il est dans le vieux système de pensée. C'est très subtil. C'est en ce sens-là qu'on n'est pas supramental cérébralement qui veut. C'est tous ceux qui se prétendent supramental au niveau du cerveau et qui créent cette relation d'exclusion. Ce sont des gens qui n'ont pas encore atteint l'unité cérébrale pour la simple et bonne raison qu'ils n'atteignent pas l'unité dans leur concept, dans leur vision du monde, dans la façon d'appréhender le réel. Et ils sont toujours en train de dire « Non, ça je me le refuse » ou « Ça, c'est pas moi ». Alors, ils devraient donc respecter continuellement le statu quo, n'avanceraient pas non plus. Nous servirait leur expérience? Ce n'est pas de respecter le statu quo, c'est de parler. On n'a pas autre chose à faire. Parler pour ou parler contre, c'est pas... Est-ce qu'on peut parler sans se positionner? Se positionner par rapport à quoi? Par rapport à sa conscience. Il faut considérer que ce qui existe, hein, c'est le résultat d'une création. C'est le résultat de la manifestation d'une énergie. Bon. Nous, on n'est pas obligé d'adhérer. On n'est pas obligé d'adhérer à un système ou à une philosophie ou à etc. Ce que je dis, c'est que c'est inutile de les nier. Hein? Parce que, en fait, elles sont une partie de nous-mêmes, mais on ne le réalise pas. On le réalisera seulement à la fin. Bon. Alors, c'est inutile de le nier. Tout ce que l'on peut faire, c'est avancer soi et faire son travail. Hein? Et si tout le monde fonctionnait de cette manière, il n'y aurait pas de problème. Parce que chacun ferait son propre travail. Il n'y aurait plus ces fameuses guerres qui sont tout à fait inutiles. Mais vous faites la guerre lorsque vous condamnez quelque chose. C'est ça le problème. On ne peut pas se permettre, dans une conscience nouvelle, on peut se permettre dans tous les autres niveaux de condamner quelque chose. Est-ce que expliquer des mécanismes, c'est condamner? Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par expliquer des mécanismes. Qu'est-ce que vous entendez par dans le travail que fait Krishnamurti, c'est toujours une explication des mécanismes. C'est toujours une mécanique qui n'apporte pas forcément une réponse, mais il va mettre les gens sur la traque pour que les gens découvrent leur propre réponse, en fait. Ouais, ça c'est très bien. Bon. Mais psychologiquement, il va expliquer des mécanismes, les conclusions, on va les tirer nous-mêmes. Ça c'est très bien. Si on tire soi-même les conclusions. Mais si on en reste à la mécanique, on n'avance pas non plus. Parce que la mécanique, elle n'est pas créative, la mécanique. La mécanique, elle tourne. C'est comme un engendrement de roues. Alors, ça ne crée rien du tout. Ça, c'est un statu quo, la mécanique. Alors, si vous voulez aborder les choses et les présenter de manière mécanique, vous n'avancerez pas. Vous allez freiner votre évolution de façon extraordinaire parce que vous allez vous contenter de tourner avec la roue. C'est pas dans une mécanique qu'on doit pénétrer. C'est dans une création. On doit être créateur. Alors, laissez faire les vieilles roues de ceux qui ont fait des mécaniques anciennes et avancez-vous. Bon. Et plus tard, les gens retardataires vont vous regarder et vont expliquer les mécanismes de votre travail. C'est ça qu'ils vont faire. Parce que ils seront pas dans votre travail. Quand on est à l'extérieur de l'horloge, on explique le mécanisme de l'horloge. Mais quand on est dans l'horloge, on marque l'heure. Alors, celui qui avance dans l'évolution, ben, c'est celui qui fait un travail et qui fait un travail créatif. Maintenant, ceux qui sont en arrière de lui regardent son travail créatif d'une manière mécanique, c'est-à-dire transposent leur intelligence mécanique à l'intérieur de cette dimension-là et ils comprennent. Mais ils ne le vivent pas. Il faut vivre plutôt que comprendre. Il faut avancer plutôt que de vouloir regarder comment les choses se passent. C'est pas regarder comment les choses se passent, c'est les passer, les faire ces choses. Et là, on acquiert une énergie, là on acquiert un mouvement, là on fait un pas en avant. Maintenant, je ne condamne pas non plus tous les discours qui mènent et qui veulent favoriser la compréhension, parce qu'ils ont raison aussi, c'est-à-dire qu'ils situent ça tout dans un autre cadre. Bon, évidemment, vous allez voir, il va y avoir des tensions, évidemment, si on parle de sujets comme ceux-là. Ce sont encore des tensions de lexique. de vocabulaire. Attention, hein. Je sais très bien ce que vous voulez dire par l'étude des mécanismes. Je sais très bien. Je sais très bien ce qu'il y a dans votre tête, mais sauf que ce qu'il y a dans votre tête, ça coïncide pas avec ce qu'il y a dans la mienne. Bon, alors j'explique le phénomène du mécanisme d'une façon différente. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que vous avez tout à fait raison dans le développement de l'appréhension des mécanismes. C'est tout à fait juste. Sauf que c'est tout à fait injuste, si on le regarde d'un autre point de vue. On va revenir avec des questions face à la vérité. Là. Justement, ça commence comme ça. Face à la vérité, je vise une dualité entre mon intuition et mon mental. Quand arrive une intuition, le mental se pointe toujours pour en considérer l'aspect rationnel. Comment mettre ces deux aspects, intuition et mental, à leur place respective? Bon, c'est à cause de cela qu'il y a des gens qui vivent l'expérience supramentale sur un plan religieux. C'est que le supramental, originellement, devait s'imprégner au niveau du cerveau, parce que le cerveau est l'organe de direction du corps. Sauf que, au moment où le supramental a commencé sa descente, lorsque l'homme a terminé la constitution de sa personnalité, c'est-à-dire de tous ses véhicules, eh bien, à cause de la construction, comme on en a parlé tout à l'heure, du cerveau, le supramental ne pouvait pas pénétrer. Parce que le supramental, c'est l'unité. C'est le 1. Et le cerveau, c'est le multiple. Alors, il y a de multiples neurones, il y a de multiples pénétrations sensorielles, etc., etc. Donc, c'est basé sur le multiple cerveau. Et tant que le cerveau ne se trouve pas unifié, tant que le cerveau ne devient pas une structure unique, eh bien, le supramental ne peut pas gagner la partie. C'est-à-dire que une personne seule ne peut pas gagner contre la majorité lorsqu'on est dans un régime démocratique. Le cerveau est démocratique. Donc, c'est pourquoi la conscience supramentale s'est logée au niveau du cœur. C'est pourquoi il y a toute cette expérience du christianisme qui est l'appréhension d'énergie supramentale ou christique au niveau du cœur. Et c'est ce qui fait qu'il y a ce combat entre l'intuition et la raison cérébrale. C'est-à-dire que le supramental, étant au niveau du cœur, reçoit, capte l'énergie de la connaissance, l'énergie créative, et l'envoie au niveau du cerveau. Elle est beaucoup plus rapide que l'énergie cérébrale. Donc, la première impulsion, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Mais tranquillement, le cerveau se met en branle. Et là, c'est l'expérience du raisonnement autour de cette intuition. Alors, ce combat, il est normal. Ce combat ne peut pas être évité tant que le cerveau n'est pas transmué. Et pour transmuer le cerveau, eh bien, il faut faire un travail du genre qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire manipuler des concepts et essayer qu'on comprenne pas trop, c'est-à-dire laisser les choses arriver. Et ensuite, il faut faire un travail de transformation biologique, c'est-à-dire travailler sur son système endocrinien, travailler sur son cœur, travailler sur sa colonne vertébrale, sur les forces qui s'élèvent tout au long de la colonne vertébrale. Il faut faire un processus d'entraînement, de développement spécifique au niveau biologique. Lorsque ce processus au niveau biologique est opéré, il s'en opère un sur le plan éthérique, et ensuite sur le plan astral, et finalement sur le plan mental. Et au niveau psychologique, vous faites le contraire. Vous commencez par le mental, ensuite l'émotionnel, ensuite l'éthérique, ensuite le physique. Donc, il y a un mouvement de descente et un mouvement de montée. Et ça, c'est la mutation du cerveau. Lorsque la mutation du cerveau est accomplie, l'homme cesse d'avoir cette activité dualitaire de raisonnement. Et alors, l'impulsion supramentale qui venait du cœur monte au niveau du cerveau. Alors, si vous avez un combat entre les deux, c'est que vous êtes un religieux. Vous êtes un religieux. Lorsque vous ne serez plus un religieux, c'est que votre cerveau sera transmuté. Et à ce moment-là, vous pourrez faire un travail de pénétration totale, complète, où il n'y aura plus ce rapport avec la dualité, ce rapport avec le raisonnement. Mais autrement, dans l'état d'évolution que vous êtes, il n'y a pas de possibilité. Parce que c'est une mécanique, le cerveau. Alors, le cerveau, lorsqu'on le regarde, il a été construit par une histoire, il a été construit par l'effusion créative des gens de hiérarchie avant nous et de nous-mêmes, et il a ses possibilités, il a ses limites. Et il faut transcender ces limites. Il faut transcender des limites qui sont aussi sur le plan matériel. Et lorsque ce changement s'opère progressivement au niveau de la matière cérébrale, eh bien là, l'intuition peut passer d'une façon beaucoup plus précise. Il y a des exercices, on en a parlé, il y a une cassette sur le vide mental. Il y a des exercices, disons, psychologiques, qui peuvent être faits pour favoriser cette pénétration de l'intuition et éliminer ces structures de raisonnement par l'utilisation de mantras, par la technique de l'autodialogue, des choses du genre. Mais essentiellement, c'est un signe du niveau d'évolution où on se situe, c'est-à-dire à un niveau d'évolution où le supramental n'a pas encore pu gagner les structures du cerveau parce que ce cerveau n'est pas prêt. Et il faut faire un travail qui est à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux. Si on veut cesser de vouloir comprendre, est-ce que l'on doit cesser d'agir ou doit-on agir seulement par croyance? L'action magique est-elle de la compréhension ou de la croyance? Bon, évidemment, cette question-là, est intéressante parce que elle montre justement que la personne qui la pose utilise un langage qui est incompatible avec celui qui a été utilisé. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté de terminologie. Autrement dit, à l'intérieur de cette question-là, bon, lorsque la personne dit cesser de comprendre ou de vouloir comprendre, elle ne le comprend pas comme il faudrait le comprendre. C'est-à-dire que cesser de vouloir comprendre, ça ne veut pas dire de ne pas saisir les choses. Ça ne veut pas dire de se refuser de les percevoir, par exemple, dans une chaîne causale, etc. Bon, alors ça c'est à un premier niveau. Ce qu'on demande là, donc, est-ce qu'il faut cesser d'agir pour cesser de comprendre? Bien sûr que non. C'est lorsqu'on agit. Hein? C'est lorsque on cesse de comprendre qu'on agit le plus. C'est-à-dire qu'on se laisse porter par ce flux d'énergie. Hein? Et qu'on cesse de vouloir se créer des systèmes intellectuels, des systèmes d'interprétation de la vie. Laissez la vie de la vérité. Lorsque vous voulez comprendre une vérité, vous la prenez avec elle, vous lui enlevez sa vie. Laissez la vie s'exprimer dans la vérité. Laissez la vie s'exprimer dans toute chose, et à ce moment-là, vous agissez. C'est par l'action que ça se passe. C'est vous qui, en mouvement, générez cette vie de la vérité. Autrement dit, il n'y a pas de vérité que l'on peut comprendre pour toujours, en l'épinglant sur un tableau. Il y a une vérité qui vit avec vous, et qui s'exprime avec vous, qui s'exprime avec votre énergie qui passe. Alors, en vivant la vie, c'est-à-dire en agissant, vous générez en fait cette vie de la vérité, vous faites d'une vérité qui pourrait devenir statique, vous en faites un mouvement perpétuel. Et cette vérité qui aujourd'hui est ceci, est ce mécanisme, demain, elle est un mécanisme tout à fait différent. Comme lorsque vous dites « il est 2 heures », c'est fini, lorsque vous dites « il est 2 heures », il n'est plus 2 heures. Alors, vous pensez que vous avez dit une vérité, c'est faux. Du moment où vous avez dit « il est 2 heures », il n'est plus 2 heures. Du moment où vous avez dit « il est 3 heures », il n'est plus 3 heures. Alors, du moment où vous avez saisi une chose, elle vous a déjà échappé si vous laissez la vie s'exprimer. Autrement dit, cessez de vouloir vous accaparer les choses. Laissez-les aller. Laissez-les aller et nourrissez-les de votre propre mouvement. C'est là que le savoir peut advenir. L'action magique, en ce qui concerne l'action magique, elle est à deux niveaux. L'action magique, elle est beaucoup plus au niveau intellectuel, au niveau rationnel, c'est-à-dire qu'elle est basée sur les lois de la création de l'univers et sur des mécanismes justement qui sont ancestrales et qui font partie d'un certain encadrement à l'intérieur du cerveau humain. Donc la magie, elle est beaucoup plus axée sur des lois très strictes, mais il y a une dimension de la magie qu'on appelle la théurgie qui est branchée directement sur cette gratuité. Hein? Pourquoi vouloir saisir une chose et l'encapsuler? Laissez-la gratuitement être. Voilà le grand message de l'enseignement de l'homme nouveau. Laissez la gratuité s'exprimer. C'est difficile pour un intellectuel. Vous êtes des intellectuels, sinon vous ne seriez pas ici. C'est difficile pour un intellectuel d'admettre la gratuité. Alors, dans la théurgie, on admet la gratuité. C'est-à-dire qu'on admet que même si une personne n'a pas fait ce qu'il fallait pour, vous pouvez lui insuffler quelque chose. Et gratuitement lui transmettre quelque chose et que ça ne vous affecte pas karmiquement, que ça n'affecte pas la personne karmiquement. C'est la haute théurgie, c'est une effusion de la gratuité. Et ça, c'est très difficile à saisir pour un intellectuel, c'est très difficile à saisir pour un homme du 20e siècle et curieusement, c'est très difficile à saisir pour un homme du poisson, qui est quand même un homme de la croyance, parce que sa croyance, et ça terminera l'aspect de la question, sa croyance, elle est de nature intellectuelle. Elle est de nature mentale, parce qu'on a beau vouloir dire que la croyance, la foi de l'ère du poisson n'était pas fondée sur des raisonnements intellectuels, c'est tout à fait faux. À l'origine, ça a été un petit peu gratuit pendant très très peu de temps, mais est arrivé Thomas d'Aquin avec sa somme théologique, tout est calculé. Les preuves de l'existence de Dieu, vous en avez plusieurs. Donc, il y a un raisonnement très, très, très, très suivi qui est à ce niveau-là et qui a la même valeur et le même fondement que le raisonnement scientifique de 1986. Exactement la même chose. C'est les fondements qui sont différents, les croyances originelles qui sont différentes, mais le raisonnement est le même. Donc, en arriver à transcender cet aspect de la croyance aussi, pour que dans une ère nouvelle, on puisse en être pleinement imprégné de cette notion cosmique universelle de ce que j'appellerais la gratuité. Et si on arrive à cette notion énergétique, vibratoire, cosmique de la gratuité, eh bien, à partir de ce moment-là, tout ce que l'on avait en arrière comme schéma s'effondre. S'effondre pour une nouvelle réalité, qui est cette nouvelle réalité de la magie qu'on appelle la théurgie. Et à l'intérieur de ça, évidemment, il y a des croyances, c'est-à-dire des pouvoirs créateurs. Attention, lorsqu'on utilise le mot croyance ici, à l'intérieur des exposés que je fais, c'est un pouvoir créateur. Ce n'est pas un dogme. Tout à fait contraire au dogme. Alors, dans la magie inférieure, la magie de base, c'est des croyances dogmatiques. À l'intérieur de la théurgie, de la haute magie, c'est des croyances qui sont purement créatives et qui permettent à un individu de fusionner avec des plans supérieurs d'énergie et les canaliser sur la Terre d'une manière tout à fait gratuite, d'une manière tout à fait exempte des lois du karma, des lois de la magie traditionnelle. Est-ce que la volonté, d'après toi, là, ce serait une attitude de l'ego ou bien une expression dynamique de la conscience ou autre chose? On n'a pas parlé de tous les aspects du mécanisme de la création de la croyance, mais la volonté d'esprit, la volonté esprit, la volonté supérieure, c'est ce qui permet justement toute cette expérience, toute cette mise en scène, tout ce cinéma. La volonté est aussi, lorsqu'on la regarde au niveau de la personnalité, quelque chose d'égoïque, c'est-à-dire lorsque vous voulez devenir initié, lorsque vous voulez ceci, cela, ça c'est de la volonté de l'ego, très souvent. Bon. Parfois, très très rarement, c'est une expression de la volonté supérieure, mais la plupart du temps, c'est une volonté de l'ego, vous voulez être quelque chose. Bon, comme la grenouille qui veut devenir un bœuf. Maintenant, la volonté comme principe cosmique, comme principe créateur, est l'un des aspects de ce pouvoir de la croyance, c'est-à-dire est un de ces aspects moteurs dans ce qu'on appelle le mécanisme de la création. C'est-à-dire, en fait, une illusion que subit l'absolu à différents paliers. C'est qu'on prend au sérieux notre expérience humaine, on prend au sérieux ce que l'on a fait aujourd'hui, le coup de poing qu'on a reçu, le gros lot qu'on a gagné, on prend ça au sérieux. Mais si on réalise que tout cela, c'est un cinéma, que ce sont tous des illusions régulières qui nous permettent en fait de vivre cette grande expérience de la volonté de l'esprit absolu, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire que on est capable de dire bon ben oui, mais oui, mais oui, mais. On relativise un peu la chose. On cesse de se prendre au sérieux. La fameuse expression traditionnelle. On cesse de se prendre au sérieux. Si on met un caractère très très rigoureux et qu'on prend les choses très très au sérieux, ben à partir de ce moment-là, évidemment, on est en dehors de ce mouvement et on ne comprend pas que la volonté de l'esprit absolu, ça n'a pas été de prendre les choses au sérieux, de s'arrêter comme ça. Ça a été de passer. De créer ce mouvement-là. À partir de là, évidemment, chacun, à travers ce qu'il est et ce qu'il doit être, en quelque sorte, fait une expérience qui est différente, mais toute pour une même unité. Si on savait, c'est intéressant, cosmiquement, on travaille tous pour la même unité. On travaille pour l'absolu. On devrait réaliser cela lorsque on va gagner sa vie tous les jours sur le plan matériel. On pense qu'on travaille pour soi à ce moment-là, pour se gagner une auto, pour s'acheter une maison, pour avoir une femme, des enfants, etc., ou un mari, des enfants, etc. Alors que, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que vivre une expérience pour que, selon la volonté de l'absolu, il y ait un retour de cette expérience-là au niveau d'une unité. Donc, si on réalisait cela, on cesserait de vouloir travailler pour enrichir ses fonds pour son compte de banque, etc., mais on saurait très bien que l'on travaille pour l'ensemble de la collectivité. Ça, ce sont des principes qui, tranquillement, vont être infusés à l'intérieur de l'homme. Mais il faut remonter jusqu'aux origines. Il faut remonter à Adam et Ève et au-delà pour pouvoir saisir, à l'intérieur, évidemment, d'une compréhension intellectuelle. On est piégé, mais saisir qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, l'appliquer dans une vie de tous les jours. Et à ce moment-là, c'est ce qui explique pourquoi des individus sont complètement détachés. Ont vécu cette voie du détachement. Parce qu'ils savent très bien que de toute manière, ils ne ramassent pas pour eux, mais qu'ils ramassent pour quelque chose, pour une unité, pour en fait, la totalité qui est devant eux. Et si une personne en avant gagne le million plutôt qu'elle, ça ne lui fait rien. Parce que elle sait très bien qu'un jour, ils vont se retrouver ensemble. Hein? Que l'expérience que l'autre a vécue avec le... Parce que vous pourriez dire, moi, je veux pas gagner de million pour avoir des belles autos puis jouir de la vie, mais pour vivre l'expérience du million. On peut se donner bonne conscience. Eh bien, c'est pas grave que ce soit l'autre qui a vécu l'expérience du million. Parce que, de toute façon, vous ne faites qu'un. Alors, on ne se crée plus de problème avec qui va avoir le dernier mot, qui va avoir la vedette, qui va avoir ci, ça. Parce qu'on est tous un. Donc, ce que reçoit l'un dans la positivité, on le reçoit également. Ce que reçoit l'un dans la négativité, on le reçoit également. Ça, c'est l'homme supramental. Et c'est pourquoi le Nazaréen qui était supramental disait, ce que vous ferez au moindre d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Et l'homme supramental sait très bien que tout ce qui est fait au moindre des hommes sur la planète, c'est à lui. C'est là une première approche de ce qu'est cette fameuse totalité supramentale, cette fameuse totalité de l'homme. Merci beaucoup, Raphaël Payard. Merci. Alors, il me reste à vous souhaiter le bonsoir, bonne rentrée, et puis vous rappeler que la prochaine conférence de Raphaël, c'est samedi prochain, et ce sera le titre « Le monde de demain ». Je pense que c'est ça. Demain, un monde nouveau. Demain, un monde nouveau. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Bien été. Thank you.